1, laisse passer. Candide, ouais. Les mecs sont tous speed, veulent pas rentrer seuls. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Tenue de soirée, vêtements serrés au corps. Mouvement sensuel et musique hardcore. Jeunesse dorée, jeune fille des cités, j'adore. Faut démonstration sur le dance floor. Oh, oh, oh, j'aime ça, yeah. Quand tu danses, bébé. Tous mes sens sont en transe, j'ai le souffle coupé. J'aime ça quand tu danses, bébé. Mouvement des membres est à m'achever. J'aime ça quand tu danses, bébé. Tous mes sens sont en transe, j'ai le souffle coupé. J'aime ça quand tu danses, bébé. Mouvement des membres est à m'achever. Atmosphère électrique, ça s'agit de partout. Le mur transpire quand le DJ mixe. Tout le monde est debout, les esprits s'excitent, les mouvements sont explicites. La musique efface tous les tabous, ouais. Les regards s'invitent et se donnent rendez-vous. Les yeux des filles sont braqués sur nous. Oh, oh, oh, j'aime, yeah, ça quand tu danses, bébé. Tous mes sens sont en transe, j'ai le souffle coupé. J'aime ça quand tu danses, bébé. Mouvement des membres est à m'achever. J'aime ça quand tu danses, bébé. Tous mes sens sont en transe, j'ai le souffle coupé. J'aime ça quand tu danses, bébé. Mouvement des membres est à m'achever. J'aime quand tu danses. J'aime quand tu danses. J'aime quand tu bouges. J'aime quand tu bouges. J'aime quand tu danses. J'aime quand tu danses. J'aime quand tu bouges. Ah, ah, voici le mec que les misquives tout. Cling des contours, bague jusqu'au timbre. Ici c'est pisse, y'a de la tisse des mist. Nous on s'immisce et tout le monde vise les mythes. Yo! Range ton Smith et Wesson, garçon. Prends un verre des glaçons et kiffe le bon son. DJ, vas-y pousse les watts. Je veux voir les miss bouger de gauche à droite. Président de l'ambiance dans mon flow magique. Il fait que tout s'agite sous sa jupe. J'aime ça quand c'est hot, quand ça choque. Quand ça se frotte et que j'ai la p*** dans mon froc. J'aime ça quand tu déhanches ma DS. Laisse-moi contempler ta beauté céleste. Au carré VIP, c'est Socrate LS. Donc passe nous voir au cas où ton Lascar délaisse. J'aime ça quand tu danses, bébé. Tous mes sens sont en transe, j'ai le souffle coupé. J'aime ça quand tu danses, bébé. Mouvement des membres est à m'achever. J'aime ça quand tu danses, bébé. Tous mes sens sont en transe, j'ai le souffle coupé. J'aime ça quand tu danses, bébé. Mouvement des membres est à m'achever. J'aime ça. Socrate LS, président de l'ambiance. J'aime ça. Bouge ta cellulite, chérie. Yo, bouge tes fesses. Garde ce corps. Remis ce toit de tête. Socrate LS, hein. On met l'ambiance. J'aime ça. Comment tu bouges, chérie? De gauche à droite, secoue tes hanches. T'as les atouts qu'il faut. Bouge les abatous, chérie.